vous installer autour des tables, on va attaquer. Cet après-midi, l'objectif de l'atelier, c'est d'échanger sur les questions d'évaluation du potentiel ENR, évidemment aussi un petit peu économie d'énergie, et puis de réfléchir à la question de l'engagement des projets, parce que c'est pas le tout de faire sortir un diagnostic. Derrière, il faut que ça débouche sur des projets. Donc on va s'interroger sur cette articulation diagnostic au projet. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut quand même que je me présente. Donc on co-anime l'atelier avec Stéphanie. Moi, je m'appelle Joseph et je travaille pour l'association Pôle Énergie qui est en Ardèche, Espace Info Énergie et aussi structure d'appui aux collectivités sur les projets qu'elles souhaitent mener. Donc, pour reprendre les choses dans le bon ordre, on va évidemment réfléchir à ces questions de passage du diagnostic au projet. Il y a deux problématiques sur lesquelles on vous propose d'insister. C'est d'abord celle qui consiste à confronter d'un côté une approche experte du diagnostic. L'approche experte ou l'approche techno, c'est celle qui consiste à mobiliser des outils statistiques, des outils géographiques et à essayer d'avoir une approche entre guillemets descendante du gisement. Et puis l'approche concertée ou sociale, c'est celle qui essaie de travailler à partir d'échanges sur le terrain pour comprendre quels sont les gisements et comment est-ce qu'ils sont acceptables. Donc essayer de voir comment ces deux approches sont ou pas complémentaires. Et puis une réflexion sur l'articulation d'échelle, à quelle maille est-ce qu'il faut travailler pour être pertinent sur ces histoires de diagnostic. Comme ce matin, vous l'avez déjà entendu, j'imagine, vos travaux sont importants puisqu'ils vont servir à la préparation des actes et aussi à la synthèse qui aura lieu demain, dont un des principaux objectifs sera d'interpeller les politiques sur un certain nombre d'enjeux associés au développement des territoires à énergie positive. On va travailler, je pense que vous connaissez maintenant un peu la règle du jeu, en deux temps. Premier temps avec des témoignages qui vont présenter un certain nombre de retours d'expérience ou un certain nombre de pratiques en lien avec la question de l'évaluation et des gisements. Et puis ensuite, on se mettra autour de la table et on vous fera travailler autour de trois grandes questions. D'abord, l'identification de bonnes pratiques ou de retours d'expérience intéressants au sein de la salle. Les attentes en termes de mutualisation par rapport à ce que pourrait devenir le réseau TEPOS. Et puis, un niveau d'interpellation ou de leviers régionaux ou nationaux qu'il faudrait actionner pour progresser sur ces questions. Nos intervenants se présenteront eux-mêmes au moment de leur prise de parole. Très rapidement, Marc Théry va intervenir sur la partie cadrage et montrer quels sont les enjeux d'une approche territoriale. Jean-François Veil nous présentera un outil qui est le plan d'approvisionnement territorial en bois énergie. Oriane interviendra sur la partie hydroélectricité en confrontant deux méthodes qui ont été testées au niveau de PACA et une mission qui essaye de valoriser les résultats de cette méthode. André Vermorel nous fera un témoignage, retour d'expérience d'une démarche qu'il a conduite à l'échelle de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche. Et Christian Couturier viendra nous présenter un outil de concertation qu'on appelle le jeu de cartes et qui permet d'entrer dans le vif du sujet sur le terrain.